au Maghreb. Maroc, Tunisie, Algérie, sonne le son du bled. DJ Kenz fait swinguer les têtes partout sur la planète. Suis-moi, on fait la fête H24, t'inquiète. Hey, livre en Adji International, le poly DJ fait péter les boomers. Je veux voir les squelettes et fessiers se déhancher de toutes les gars. Foutre le feu dans tous les clubs. Invite par ceux qui cotisent, par ceux qui grattent la tise. DJ s'attaque à la piste, fait monter les degrés. Le ton de la foule, ça colle, chef, pen, shower. The people d'Hollywood, assis au comptoir, tu trouveras des mecs de mon hood. Au milieu de la foule, bad boy, recherche bad girl. Pour des soirées intenses, ça vient oriental. La métisse de belle fille, de mélange de senteur. J'embarque les ladies, j'allais faire un lifestyle. Malgré Aïchine et Barrette, pour le Sif n'a pas de miaret. Dima, dima, dima, l'ayat. Roubla ou l'nachat, ou l'hatta tout l'ilet. Un merde, d'une de Marrakech, c'est parti pour la fête, man. Open bar, séquestration du barman. Célébration, consomme la vie comme du champagne. Ça bouge, c'est l'ayat, frère, faut que tu te mailles. Tapis rouge, costa blanc, rien de bipolé. Tous les mecs de la salle se frottent au lilet. Mauvais chèque, body, baby girl, don't stop. Firata, mon public, people, bon star. Dans un mariage à Tunis, Saint-Agine à Tanger. Que la foule m'applaudisse. Dans un concert sur Alger. Salut mon bled, chéri, le Maghreb, c'est danger. C'est pour les mythes du R&B, sirote à la presse en vie. C'est pour les boys and girls qui kiffent la vibe. Toujours dans un bon délire qui kiffent la life. Big métissage, West Coast ride. J'kiffe ma life, California style.